Merci d'écouter la première. Il est 13h30 et voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La dictature du 4 août est une solution qui, d'une certaine manière, rappelle toute une série de solutions similaires. C'est-à-dire l'instauration de régimes dictatoriaux et la montée de mouvements fascistes. Pas de surprise à Athènes, donc. Le gouvernement Novas a vécu avant même d'avoir été investi. Monsieur Novas a été mis en minorité par 167 voix contre 131. Cette semaine, la Grèce. Les colonels qui ont jeté le masque exploitent à fond l'avantage de la surprise. Ils annoncent à la population qu'après le coucher du soleil, on tirera à vue sur les passants. Histoire et politique. Cette perspective révolutionnaire qui pousse les combattants communistes grecs de la guerre civile à penser que la Grèce est un bastion de la révolution. Et cela est inscrit dans les pratiques du Parti communiste. Une plaque tournante de la démocratie. Histoire vivante, cette semaine, la Grèce. Aujourd'hui, entretien avec Angelos Abazoglou, réalisateur du documentaire « Grèce, chronique d'un ravage », à voir ce dimanche sur RTS2. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Je m'appelle Angelos Abazoglou. Je suis grec, je suis français, de nationalité aussi, je suis né à Paris. J'ai grandi en France, je suis retourné en Grèce en 2004. Retourné, c'est pas vraiment le terme, parce que j'ai jamais vécu à part quelques vacances que j'ai passées avec mes parents. Voilà, je fais du documentaire un peu par hasard, parce que moi je viens plutôt de la fiction et du théâtre. Cet hasard a été quand même quelque chose de très fructueux parce que j'ai appris à respecter le réel, ce que quand on est jeune et qu'on commence à faire des courts-métrages, on n'a pas vraiment la sagesse de faire. On a l'impression que notre nombril est le centre du monde. Et là, avec le documentaire, on se prend des claques directement dans le visage à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose qui ne correspond pas à une réalité des sentiments, à une réalité humaine, à une réalité de ce qu'est la vie profonde et cachée des gens, même si c'est des comédiens. Donc je suis tombé un peu amoureux du documentaire, et j'en ai fait pendant 20 ans, la plupart pour Arte, avec toujours des problèmes, parce que je suis, disons, pas quelqu'un qui fait des documentaires très, très formatés. Voilà, en gros, c'est une vie dans le documentaire, sans aucune direction particulière, avec des films très différents à chaque fois. L'avant-dernier film était un film de fiction fait avec des comédiens qui sont devenus comédiens par la force des choses, parce que le scénario s'est développé de telle manière à ce que c'est devenu une narration fictionnée. C'est des gens que j'ai rencontrés en Turquie, c'est l'histoire d'un oncle et de son neveu. Ça a été sélectionné en compétition au festival de Berlin, à mon grand étonnement. Ce qui m'a aussi beaucoup étonné, c'est que j'ai reçu... Votre grand étonnement compte tenu de la nature des relations entre la Turquie et l'Allemagne, vous voulez dire? Ou en fonction des qualités propres de votre documentaire? Non, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien accepté, alors que pour moi, c'était quelque chose qui était probablement bien fait, oui. Mais parce que c'était aussi quelque chose qui sortait un peu du cadre des festivals. C'était pas un documentaire fiction ou une fiction documentaire, appelons ça comme on veut, mais qui était plutôt populaire qu'un film de festival. C'est quelque chose qui parlait beaucoup aux gens, et ça m'a étonné que Berlin s'attache à quelque chose de ce genre-là, puisqu'en général, dans les festivals, on a tendance à promouvoir des films un peu moins populaires que celui-là. Donc c'est ça. Je sens que vous tournez autour du mot élitiste. Oui, c'est un peu, ça a toujours été un peu le, et puis c'était le sujet de ce documentaire-là que je viens de faire. C'est, si vous voulez, moi je viens d'une famille bizarrement très aisée, et depuis très petit, et c'est pas pour rien d'ailleurs que quand j'ai fait du théâtre, mon premier rôle, ça a été Victor ou les enfants au pouvoir. Et je jouais Victor, cet enfant que j'ai vécu moi-même, qui voit cette hypocrisie du monde bourgeois très rapidement. Les années ont passé et je me suis retrouvé en 2008 avec la crise de la dette, et ce qu'on a appelé la crise de la dette, et j'ai essayé de comprendre pourquoi les choses sont devenues rapidement violentes vis-à-vis de la plupart des gens, pourquoi les gens qui sont aisés se sont renfermés sur eux-mêmes et n'ont jamais voulu écouter ce que les autres avaient à dire. J'ai essayé de voir dans la durée pourquoi on en arrivait là, pourquoi les élites ont tendance, quand les choses vont bien, à laisser échapper des miettes aux autres, et puis pourquoi quand les choses vont mal, sont capables de devenir extrêmement violents, extrêmement protecteurs, extrêmement arrogants, et n'écoutent plus rien. Et d'ailleurs, le film ne devait pas s'appeler... La Grèce, chronique d'un ravage, ça s'était imposé par Arte, le titre a été imposé par Arte, le film devait s'appeler L'étang de la médiocrité. Il aurait pu également, Angelos Abazoglou, s'appeler, si vous en êtes d'accord, D'une crise à l'autre, parce qu'il est vrai que votre documentaire en deux parties débute en 1929, pour s'achever sur la première partie en 1955, reprendre en 1956 pour la deuxième partie, pour finir en 2008. Et vous venez de le rappeler, effectivement, 2008, c'est le temps d'une crise systémique assez phénoménale, sur laquelle nous continuons de vivre aujourd'hui. Vous dites, concernant votre pays, ce pays, c'est un pays que l'on aime autant qu'on le déteste. C'est un peu au départ de la carte de visite du documentaire. Vous pouvez un peu vous aventurer là-dedans ? C'est assez simple. On peut le prendre dans plusieurs sens. Ça peut être quelque chose de totalement affectif, c'est-à-dire qu'on s'imagine quelque chose de la Grèce parce qu'on a lu des livres à l'école, parce qu'on sait ce que c'est la mythologie grecque, parce que des tas de choses font qu'on a un sentiment particulier pour ce pays qui, dit-on, est à l'origine un peu de notre civilisation occidentale. Même si c'est pas tout à fait vrai, parce que l'Égypte est tout aussi importante et Rome aussi, mais enfin bon, admettons que ça soit ça, que ça soit le berceau de la civilisation. Une certaine photogénie qui plus est. Et puis, quand on atterrit à Athènes, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Alors, il y a plus de brume. C'est pas vraiment la beauté et les règles d'or de ce qu'on a cru des monuments de l'Antiquité. C'est plutôt une ville un peu foutoir. Et puis, donc, on peut avoir un ressentiment de remonter dans l'avion, de repartir. Puis d'un autre côté, c'est une ville qui est un pays. C'est qu'il y a une sagesse de la population qui fait que on est happé. Alors de nouveau, ce sentiment de rejet est rattrapé par le charme, le sourire, la vitesse de l'intelligence de ce pays. Angelos Abazoglou, vous dites « En Grèce, on discute ». Vos deux documentaires, ou ce documentaire en deux parties, « Chronique d'un ravage », raconte aussi l'un des drames que connaît la Grèce, j'allais dire en ricochet, qui est la question de la guerre civile. On avait déjà abordé, mais il y a d'assez nombreuses années en arrière, cette question-là. Moi, je voudrais vous entendre sur ce que... la dimension historique, bien sûr, mais la façon dont une guerre civile s'inscrit finalement très en profondeur auprès d'un peuple. Elle a beau s'être passée des décennies en arrière... Quelque chose inévitablement, pour peu que il n'y ait pas eu un travail de mémoire, un travail d'histoire suffisamment dense, et l'Espagne est en train de nous le raconter merveilleusement ou dramatiquement, ressurgit à tout moment et à tout niveau, et finalement construit une société très nettement clivée. C'est sûr que la Grèce est une société extrêmement clivée, beaucoup plus que les autres sociétés européennes, même si elle en est le miroir, hein, parce que la société suisse a l'air d'une société non clivée, ou la société française, je dirais pas anglaise, parce que ça se voit tout de suite, le clivage en Angleterre, mais ce clivage grec est plus présent dans la mesure où on a, comme vous parliez de l'Espagne et de la guerre civile en Espagne, en Grèce on a étouffé la guerre civile, aucun historien n'a pu faire des recherches jusque dans les années 90. On a commencé dans les années 80 à plus ou moins fouiller un peu les archives, très difficilement, ça a été, et encore maintenant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Vous nous faites rappeler la période, simplement. Si vous voulez, la Grèce fait partie de ce monde occidental dans une géographie qui la place à un point clé de la route vers les pétroles. Et elle est un tout petit pays. Pendant un siècle, et là beaucoup d'argent est dépensé pour ça, c'est des guerres et des guerres et des guerres et des guerres pour en faire un pays 5 fois plus grand que ce qu'il avait commencé à être. Malgré ça, ça reste un tout petit pays. Et placé, pas un endroit comme la Suisse ou la Belgique, placé à un endroit où les rivalités sont très fortes, pour ces raisons de géopolitique. La Suisse y est trouvée aussi. Rappelez-vous quand même que les grands voisins qui la côtoient sont déjà nettement plus grands qu'elle, et puis s'appellent quand même l'Allemagne, l'Italie, accessoirement la France. C'est vrai, mais je sais pas pourquoi. En Suisse, vous avez accepté le Capodistria, qui est celui qui a conçu cette fédération. Et ce Capodistria a permis cette confédération suisse et qui a forgé, il a proposé, et ce modèle-là avait été proposé en Grèce aussi, ce qui aurait été très juste, parce qu'il y a quelque chose où la Grèce ressemble à la Suisse, c'est beaucoup de montagnes et des vallées. Donc qu'est-ce qu'une vallée a à voir avec l'autre? C'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes choses, mais malheureusement... Sans compter l'atomisation des îles, qui pesait. Exactement, sans compter l'atomisation des îles. Tout ça, ça a été évacué du paysage politique grec, tout simplement parce qu'on l'a assassiné, comme ça c'est plus simple, on n'en parle plus, et il n'y a jamais eu cette confédération, et on s'est forgé plutôt sur un modèle à la française, très centralisé. Athènes est le centre, non seulement le centre politique, économique du pays, mais en plus le centre de la population, puisque la moitié de la population grecque habite Athènes. Et cette proposition d'un éventuel système politique confédéré remonte à quand? Ça remonte aux années avant le premier État grec, avant 1830. D'accord. Donc c'est ces propositions qui ont été qui n'ont jamais vu le jour, en tout cas en Grèce. Donc pour en venir à la guerre civile et au clivage dont vous parliez, je voudrais faire juste un petit parallèle avec aujourd'hui. Ce que je remarque, c'est que aujourd'hui on a cette perte de sens, parce que pendant trop longtemps, les élites se sont enfermées dans une tour d'argent, n'ont jamais écouté ce qu'on leur dit, et c'est important d'écouter ce que disent les autres. Donc ce qui s'est passé en Grèce, c'est un clivage très fort avant la guerre civile, c'était d'ailleurs un des historiens du film le dit, les barrières de classe étaient infranchissables. Pendant des années, c'est-à-dire depuis le début de la création de l'État grec moderne, jusque dans les années 30 en tout cas, les pauvres étaient pauvres, les ouvriers étaient ouvriers, et les riches étaient très riches, et une oligarchie qui ne permettait aucun échange d'un côté à l'autre. Donc, mais ne pourrait-on pas dire, Angelos Sabazoglou, que cette description sociologique que vous faites à ce moment-là de la Grèce, elle est valable quasiment sur tout le continent sud-américain, elle est valable sur une partie de l'Afrique colonisée. À la surface de la Terre, il y a quand même beaucoup, pour ne pas dire la majorité des sociétés, qui fonctionnent sur ce modèle. Une classe moyenne extrêmement absente et deux extrêmes, pauvres et riches, qui sont... Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait un film qui prenait comme point central la Grèce, parce que j'essayais de parler de ce qui nous arrive à nous, occidentaux. Maintenant. Maintenant. Ouais. Nous, occidentaux, maintenant. Et j'ai pris la Grèce exactement pour ça, parce que elle est pas vraiment un pays africain, c'est pas vraiment un pays d'Amérique du Sud, mais c'est pas non plus vraiment un pays occidental. Mais c'est pas exactement la tragédie grecque, elle est toujours là et elle fait vivre les choses beaucoup plus durement. Alors quand on revient à la guerre civile pour dire pourquoi c'est dur, c'est-à-dire cette classe moyenne manquante, elle n'est pas vraiment manquante. Elle est là, mais elle est pauvre. Elle n'est pas... Mais quand j'ai fait ce documentaire, que je suis retourné en arrière et que je regardais comment étaient les villes françaises et les vallées suisses, c'était pas très très riche. Hein. Je veux dire, Gstaad, qui maintenant est un... Rutile, à l'époque, c'était assez pauvre. C'était même très très pauvre. Donc, on avait un peu un parallèle entre la Grèce et les autres pays qui étaient toujours là. Mais ce qui s'est passé en Grèce, et c'est pour ça que c'est plus tragique, et c'est pour ça que j'ai choisi ce pays-là, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui montre encore mieux et qui est un miroir encore plus réaliste de ce qui nous arrive à nous tous, c'est que les Grecs, après la guerre, se sont retrouvés à avoir vécu sous l'occupation une résistance très forte à l'occupant, organisée autour des communistes. Et cette organisation autour des communistes, qui a réussi à libérer bien avant 1944, bien avant la fin de la guerre, une partie du pays, a mis en place certaines structures d'éducation, de santé, de choses qu'on a connues après hein, dans nos pays occidentaux, mais qui ont montré à la population que c'était possible de ne pas être obligé de vivre sans éducation, sans soins, sans possibilité de réussir quelque chose matériellement, économiquement. Et donc ça a fait que les gens y ont cru. Et quand l'Angleterre est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale et a remis en place les collaborateurs, les élites qui existaient auparavant, les gens se sont soulevés, ont dit nous on n'en veut pas de ça. On veut pas de ça, on veut pas revenir en arrière. Après la guerre, il y a eu beaucoup de gens qui ont lâché parce que c'était très difficile. Mais il y a un petit groupe de gens qui ont cru. Ils sont battus pendant 3 ans de 46 à 49. Ils avaient aucune chance de gagner parce que l'armée royaliste soutenue par les Américains était tellement forte. Mais ils y ont cru et pour eux, c'était important de se battre. Faire partie d'une organisation qui veut changer le cours de l'histoire avec une perspective révolutionnaire, est quelque chose qu'aujourd'hui, nous avons de la peine à comprendre. Mais pour tous ces gens, cela voulait dire beaucoup. Ça ne faisait rien si on perdait en Grèce. On allait gagner en Chine. Et c'est cette perspective révolutionnaire qui pousse les combattants communistes grecs de la guerre civile à penser que la Grèce est un bastion de la révolution, de cette révolution internationale. Et cela est inscrit dans les pratiques du Parti communiste. Un extrait de Grèce, chronique d'un ravage, le prochain documentaire d'Histoire vivante à voir dimanche soir sur RTS2. Histoire vivante, cette semaine, la Grèce. Suite de l'entretien avec Angelos Abazoglou, réalisateur du documentaire « Grèce, chronique d'un ravage ». Angelos Abazoglou, on a rendez-vous dimanche soir avec votre documentaire. Documentaire en deux parties, chronique d'un ravage 1929-1955, chronique d'un ravage, deuxième partie 1956-2008. Vous nous parliez du paysage politique du pays, paysage à la fois politique, également économique, qui passe par la tragédie de la guerre civile, et aujourd'hui les recherches de quelque chose auquel on adhérait par le passé, appelons ça très rapidement, le plus rapidement possible, idéologie, et difficulté aujourd'hui de s'y retrouver dans un avenir qui paraît très incertain. En même temps, c'est en Grèce, encore et toujours, j'allais dire, qu'on retrouve les excès qui ont marqué ce pays. Ça peut s'appeler aujourd'hui de aube dorée à une extrême gauche qui est quoi la suite de l'ancien parti communiste, que sais-je. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous dresser le paysage politique du moment et que reflète-t-il ce paysage-là ? L'évolution des sociétés font que la politique évolue aussi en parallèle. On ne peut jamais imaginer une politique qui suit son cours et une société qui devient autre chose. C'est pas exactement comme ça. Finalement, on a les gouvernements qu'on mérite, comme on dit. Donc la Grèce, elle évolue en même temps, et on arrive maintenant en 2018, disons en 2015, quand le gouvernement du Syriza est arrivé au pouvoir, et tout ça, excusez-moi de le dire comme ça, hein, même si j'ai un profond respect pour la plupart des gens qui se lancent en politique, je ne crois pas que c'est tous des vendus, et je ne crois pas que c'est tous des salauds, loin de là, ça n'existe pas. Mais je regarde juste l'évolution de ce qu'a été, même dans les années 80 et plus tard, ce que le mot socialisme contient de socialisme. Bref, il y a encore une fois une difficulté à tracer le fil rouge de l'évolution politique dans nos pays occidentaux. Parce que c'est à celui qui propose le plus. Donc on est dans une espèce de politique marketing. Moi, je vais te donner ça, donc je vais voter pour toi. Et moi, non, mais moi, je vais te donner plus, je vais voter pour toi. Oui, mais j'entends bien, mais si vous évoquez la notion de l'offre, forcément, en miroir, il y a en face de la demande. Est-ce à dire que la population grecque, qui aurait dans ces cas-là les politiques qu'il mérite, sont en attente d'un Père Noël chaque hiver, ou enfin à chaque saison, même on pourrait dire, chaque saison électorale, et puis récolte des cadeaux qu'il mérite, alors à ce moment-là. Donc, oui, c'est un peu comme ça, hein, sauf que, en faisant ce documentaire et en regardant dans la durée comment les choses se font, je me suis rendu compte qu'on a l'impression que les gens sont totalement idiots et qu'ils comprennent rien et qu'ils sont là comme des petits enfants devant le sapin. Ou avec une sorte de palmier dans la main qu'on pourrait appeler une forme de fainéantise. C'est ça, en attendant, et que qu'on va pouvoir les manipuler, les faire bouger là et les faire aller là, et que ça va aller très bien, et que tout ce que nous disent les gens du marketing ou de la publicité, ça va marcher. Malheureusement, on a fait beaucoup de prévisions et ça n'a pas marché, et que les gens peuvent réfléchir, que les gens peuvent demander ce qu'ils ont vraiment envie. Ils sont très patients, hein. C'est ça qui m'a beaucoup étonné. Les gens sont très patients et sont capables d'écouter. Disons que les populations sont plus capables d'écouter que les élites. Les élites ont cette tendance de croire que leur intelligence leur permet d'être très rapide et de pas avoir besoin d'écouter. On a compris avant qu'on nous parle. Les populations écoutent, mais à un moment, elles en ont ras-le-bol. À un moment... Oui, et en même temps, on a le sentiment que... un parallèle me vient, printemps arabe, qui se déroule après, ou vraiment de manière très proche, avec les événements que connaissent la Grèce dans la crise de 2008... Une arrivée politique auquel on ne pensait pas, une gauche qu'on ne voyait pas arriver au pouvoir de cette manière-là, et en même temps, pas le sentiment qu'il y ait véritablement un printemps Hellène, si j'ose dire, un printemps grec. Quel est votre sentiment à vous ? Disons que le printemps Hellène, c'est... Dans nos pays occidentaux, depuis très longtemps, nous avons des médias extrêmement sophistiqués. Dans les pays du tiers-monde que je connais bien, la réalité est très présente. En Grèce, la réalité, quand je parlais des cafés, des terrasses de café où chacun avait son opinion, est très présente aussi. Donc c'est tout le système, est un système, et c'est très actuel, de qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce que le virtuel ? Et qu'est-ce que ce qu'on va nous promettre à travers des beaux mots et repris à ne plus finir par les journaux télévisés, les radios, Internet, tout ça, qu'on reprend le même discours sur le monde et ce qui se passe comme ça. Ce qui fait que les populations dans les pays comme la Grèce ou les pays occidentaux par rapport au printemps arabe sont moins en contact avec une réalité dure. J'ai pas de boulot, c'est là. On n'a pas ça. Nous, on a l'impression que tout ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, plus doux, plus facile. Vivable. Plus vivable, en tout cas, parce qu'on est habitué à vivre dans cette illusion. Et cette illusion, vous la voyez très bien dans tous nos pays. On a des grandes voitures, on a des iPhones de dernier modèle, alors qu'on n'a peut-être pas à manger. Mais c'est tellement important, l'image de nous-mêmes. Parce qu'on n'a plus l'habitude de vivre avec les autres. Parce que normalement, l'identité, c'est les autres qui nous la donnent. C'est le regard de l'autre sur nous qui construit notre identité. On a besoin des autres, on a besoin de vivre dans ce groupe, dans ces groupes qu'on appelle société pour avoir une identité. On ne peut pas nous-mêmes avoir d'identité sans pouvoir la confronter à une réalité. Est-ce que je suis bien ça ? Donc, ce « je suis bien ça » est repris par des symboles continuels qui sont tous ces signes de cette société virtuelle qui fait qu'on peut se présenter, et en Grèce c'est très flagrant, on peut se présenter comme quelque chose de très riche, de quelqu'un de très riche alors qu'on n'a pas à bouffer, et que les économies on le fait sur l'éducation de nos enfants, même si c'est pas vraiment le cas, mais ça peut exister. Donc, tous ces pays, comme la Grèce, et tous ces pays qui ont vécu la crise, et pourquoi des pays occidentaux comme la Suisse ou la France, ou encore plus l'Allemagne, n'ont pas été frappés par la crise autant que la Grèce, c'est tout simplement parce que c'est des pays beaucoup plus riches. Ça s'arrête là, c'est des pays plus riches, et quand il faut prêter de l'argent pour recevoir de l'argent en retour, ben on va pas le prêter à la Grèce, puisque on sait même pas si elle sera capable de rendre l'argent qu'on va lui prêter. Donc elle se retrouve dans une situation très pauvre, en regardant non pas la réalité de sa situation, à part des petites minorités, et il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre, alors que peut-être dans les pays arabes, ce temps était bien avant. Puis il a fallu à un moment que la population se soulève, même si ça a été récupéré, même si au début c'était quand même très très juste. C'était une révolte, c'était pas de la récupération après. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, ou plutôt on le sait, mais c'est pas le moment d'en parler maintenant. Tandis qu'en Grèce, on est resté sur ce virtuel. Non, ça va aller bien, comme vous disiez tout à l'heure, on va avoir un nouveau gouvernement qui va nous apporter des nouveaux trucs. On y a cru. On croit à ce que disent ces élites. On croit à ce que disent les gouvernements. Pourrait-on parler d'une sorte de fierté mal placée ? Je vais m'expliquer plus clairement. On est un peu le berceau de la démocratie. Regardez-nous et puis continuez de nous vouvoyer, ça ne nous fera pas de mal. Et on se repose un peu sur ses lauriers. Il y a de ça ? Écoutez... Oui, quelque part, ils regardent de loin, mais par contre, là où vous avez tout à fait raison, et c'est là que c'est un aller-retour, je pense pas que uniquement les Grecs sont des gens qui vont rester là et vont dire « Oui, mais vous nous devez quelque chose parce qu'on est le berceau de la civilisation. » Les autres aussi le regardent comme ça. C'est-à-dire que si ça avait été la même chose en Albanie, je ne sais pas si ça serait, il serait passé exactement la même chose. Vous nous redonnez le titre de votre documentaire, je vous prie. Donc c'est Chronique d'un ravage. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. On retrouve pour un petit complément d'entretien Angelo Abazoglou. Il vous suffit de vous rendre sur le site d'Histoire Vivante. A tout de suite. Thank you.